amène à faire ce dernier message juste avant le grand jour, que sera demain samedi 24 novembre. Le premier message que je passe est dirigé à l'armée française. J'appelle officiellement l'armée française à intervenir en étant présente sur les lieux demain, samedi 24, à proximité de la place de la Concorde, de façon à assurer ce qui est prévu, c'est-à-dire la mise en place du peuple souverain tel que c'est prévu par la Constitution française. Pour justifier cet appel, je me nomme Éric Fioril. J'ai été chargé de préparer environ plusieurs centaines de citoyens français, simples personnes, aucune n'appartenant à la franc-maçonnerie, de façon à ce qu'ils puissent disposer de tous les outils nécessaires pour garantir la pérennité de la souveraineté du peuple, conformément à la loi française. Ces citoyens sont représentés par un premier groupe qui est déjà présent sur les lieux d'environ une cinquantaine de personnes. Ces citoyens vont assurer la transition selon un programme qui est préétabli et qui permettra de garantir à la fois que cette souveraineté ne pourra plus jamais être remise en cause, qu'aucune forme de dictature, quelle qu'elle soit, ni celle d'un homme, ni celle d'une secte, ne pourra à nouveau prendre les commandes de la France et permettre à l'ensemble du peuple français d'être seul décideur de ses lois. Donc tout cela, c'est un programme préétabli, écrit, vérifié par de nombreux experts de toutes les branches et conforme à un nouveau paradigme de société qui est un paradigme qui va s'étendre à toute la planète, la France redevenant le phare éthique de la civilisation humaine, comme elle l'avait été en 1789 par la proclamation des droits de l'homme. Sur le plan juridique, la forme qui se nomme transition et qui est un concept politique nouveau puisqu'appartenant aux citoyens est totalement indépendant des concepts illusoires qu'avait mis en place une secte nommée la franc-maçonnerie, que sont la République, démocratie et tout ce qui va avec. Ce concept de transition a été proclamé officiellement le 18 juin 2015, symboliquement par rapport à l'appel du général de Gaulle. Et dans des conditions également similaires, cette fois-ci l'invasion de la France se faisant par l'intérieur. Du fait que la Constitution de 1958 a été supprimée par les irrégularités des derniers présidents français de cette République, non pas de la France, c'est important de le préciser, cette France aujourd'hui n'est plus régie que par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de 1946. C'est ce qui rend légitime ce Conseil national de transition comme seule autorité en droit de donner des ordres à l'armée. Et c'est à ce titre que j'appelle l'armée à assumer son rôle de défense du peuple français, car le mot défense ne représente pas seulement la défense militaire armée contre une invasion d'un autre pays, c'est avant tout défendre les intérêts de la nation française, de tous nos ancêtres qui ont laissé leur sang sur cette terre. Et donc, aujourd'hui, la France vit son plus grand péril, en particulier avec un plan qu'avait préparé depuis Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, consistant à achever ce pays par une guerre civile en se servant de la religion islamique pour déclencher une guerre raciale. Ce plan, qui était sur le point d'aboutir dans quelques mois, a été mis à jour par les meilleurs experts militaire, géopolitique, et les gens du Conseil national de transition qui sont extrêmement informés sur tous ces points, et qui fait que la France vient d'échapper à un danger extrêmement grave, qui risquait de la mener à sa destruction et sa disparition. Donc, en dehors de cela, dès aujourd'hui, tous les membres de la haute franc-maçonnerie qui sont actuellement parmi ces 5000 responsables politiques actuels sont tous suspendus de leurs fonctions. Ce qui veut dire que plus aucun préfet n'est en droit de donner des ordres. Ce qui signifie que vous, gendarmes ou police, n'avez plus pour seul et unique interlocuteur possible que les forces de l'armée française. Vous ne répondez plus aux ordres des préfets, qui sont tous suspendus de leurs fonctions. Alors, demain sera intronisé ce Conseil national de transition. Nous savons que le gouvernement actuel a fait venir de nombreux mercenaires étrangers qui sont tous stationnés à proximité de Paris et prêts à intervenir, et que ces mercenaires, comme leur nom l'indique, sont motivés par l'argent, par les intérêts commerciaux. Ils appartiennent pour la plupart à des entreprises privées appartenant à des multinationales ou aux banques, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune forme d'état d'âme et ne respecteront en rien ni les règles juridiques, ni les règles morales, ni les intérêts du peuple français. C'est à ce titre que j'appelle l'armée à venir assurer l'organisation nécessaire pour éviter toute forme de chaos, l'organisation nécessaire de la police et de la gendarmerie simultanément. Et c'est aussi pour cette raison que j'appelle toutes les forces françaises qui sont patriotes, qui sont fidèles à la nation, qui sont prêtes à appuyer nos forces de l'ordre, car l'armée n'était pas prête à cela et ne peut détacher tout ce qui serait nécessaire dans une telle situation, puisque beaucoup d'éléments sont malheureusement encore stationnés à l'étranger. Eh bien, j'appelle donc aussi tous les routiers, tous les agriculteurs, dès maintenant, commencer à organiser des colonnes pour monter sur Paris. Soyez prêts à venir assister, offrir vos engins, accepter tous les sacrifices pour sauver notre pays. Vous en serez dédommagés ultérieurement. Ces colonnes sont en train de monter. Certaines ont déjà commencé. Il y a des tracteurs en route depuis le centre de la France. On attend et on espère que vont se déclencher aussi bientôt ceux de Bretagne et tout le reste de la France. Ne soyez pas en retard. Donc, organisez des colonnes, montez par les autoroutes. N'hésitez pas à détruire complètement les péages parce que de toute façon, on ne les remettra pas. Les routes françaises appartiennent aux Français. Il n'y a pas de raison qu'on paye des sociétés pour avoir le droit de rouler dessus. Donc tout cela va complètement disparaître et les 5000 politiciens actuellement en place sont remplacés très rapidement par 3000 simples citoyens. Parmi ces 3000 citoyens, dès les jours qui suivent, il y en aura déjà plusieurs centaines qui prendront en main les principales commandes du pays. Parmi ces plusieurs centaines, la grande majorité est déjà enregistrée au Conseil national de transition. D'autres sont connus comme étant des dissidents notoires et seront aussi membres automatiquement de ce premier conseil. Et pour ma part, je ne suis chargé que de mettre en place cette transition et rien d'autre. Je n'en ferai pas partie, que ce soit tout à fait clair une fois pour toutes. Je ne suis pas en train de défendre mes intérêts. Par ailleurs, je reprends un petit peu le petit aide-mémoire que je m'étais préparé. Par ailleurs, dès demain, les forces de l'ordre prendront l'une des stations de télévision sous leur contrôle, de façon à permettre qu'une information complète soit diffusée à toute la population sur la réalité actuelle de la France et sur cette opération qui, pour des gens absolument non informés ou sous l'influence des mensonges médiatiques, pourrait considérer qu'il s'agirait ou d'un coup d'État ou d'une forme quelconque de coup d'État. ce qui n'est pas le cas puisqu'il ne s'agit que d'un retour à l'état de droit, assuré par les forces de l'ordre. Par ailleurs, il est à craindre qu'un certain nombre de compagnies, en particulier de CRS ou de gendarmes mobiles, soient sous contrôle total de la franc-maçonnerie. Et donc, malgré la situation, malgré les ordres, malgré cet avertissement et malgré les ordres de l'armée et des principaux responsables patriotes de l'armée, il n'est pas impossible que certaines compagnies essayent encore d'empêcher l'entrée à l'Élysée et l'intronisation de ce Conseil national. Alors, il faudra les affronter. Et donc, j'appelle absolument tous les Français qui veulent sauver leur pays à venir avec leurs véhicules, à emmener les autostoppeurs, à amener le plus de monde possible, parce que ça aussi, c'est un phénomène psychologique qui a une importance énorme pour nos militaires, qu'ils se sentent épaulés par la population qu'ils viennent défendre. Concernant les hauts politiciens et concernant les missions actuelles sur Paris, je vous donne à toutes les forces de l'ordre l'ordre de bloquer l'héliport, l'aéroport du Bourget, de toute urgence, de façon à éviter que ne prennent la fuite, car ils l'ont déjà prévu, Macron est déjà en fuite, et d'autres ministres ont déjà fait leurs préparatifs. Or, ils vont emmener des dossiers compromettants, des valeurs françaises, des valeurs de notre patrimoine, et donc, merci de bloquer au plus vite l'héliport et le Bourget, de façon à ce que leur jet ne puisse décoller et qu'on puisse les saisir avant qu'ils s'enfuient. Voilà, c'était une dernière annonce avant cela. Il est bien évident que vous allez toujours avoir les mêmes mensonges des organismes de propagande de l'État, donc CNews, BFM TV, les autres qui les suivent, qui vous racontent absolument n'importe quoi. Et c'est du grand n'importe quoi, puisqu'ils continuent à vous raconter qu'il y aura très peu de gilets jaunes, qu'il y aura plein de policiers qui seront là pour surveiller le parc à moutons dans lequel on a dit que les gilets jaunes auraient le droit de rester quelques jours. Enfin, c'est une véritable fantaisie complètement ridicule. Rien n'est à croire de tout ce qu'ils racontent. Donc, fermez vos écrans de télévision, n'écoutez pas de telles sottises, de telles âneries. Demain, l'une des télévisions françaises sera sous contrôle de l'armée et permettra qu'un discours qui durera certainement 2 à 3 heures de temps, va exposer à tout l'ensemble de la nation française la totalité des réalités. J'entends par là la réalité sur aussi les vaccinations, la réalité sur les quantités réelles de toutes ces naissances anormales de bébés qui naissent sans bras, sans mains, mais il y en a encore beaucoup plus et beaucoup plus de choses qui vont être révélées, absolument tout ce qui est caché depuis si longtemps. Et donc, ce discours durera 2 à 3 heures, mais sera préparé, et non pas improvisé, comme cette petite vidéo rapide. Et merci à vous tous qui avez déjà contact avec cette vidéo, de bien vouloir la transmettre au plus grand nombre possible, pour que le message passe partout. S'il reste quelques forces de l'ordre mal informées ou autres, qui essayent d'empêcher les colonnes de monter sur Paris, eh bien, n'ayez aucune crainte, vous les affrontez, vous passez à travers, vous forcez les barrages. De toute façon, c'est demain à Paris et toute la situation redeviendra complètement claire en très peu de temps. La France est libérée et demain, c'est notre liberté que nous allons fêter. Merci à vous d'aider à ce mouvement par la transmission de ce message. Et donc, rendez-vous tous. À demain, à l'Élysée.